Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Munier. Bonjour Bertrand. Bonjour Sarah. Je suis enchantée de te recevoir. Et moi de même de venir. Voilà, je suis ravie. On va commencer cette émission donc, qui se déroule toujours sur le même principe, trois grandes parties, une très grande partie qui te sera consacrée Bertrand, avec quelques questions. Une deuxième partie avec un caprice de la semaine, et puis une dernière partie avec un lieu insolite où acheter des livres ou alors tout simplement lire, un endroit agréable, pourquoi pas, à découvrir. Bertrand, es-tu prêt ? Mais bien sûr. Alors on y va. Bertrand, tu es né dans les Vosges et en regardant un petit peu ta bibliographie, je vois que tu as consacré la plupart de tes ouvrages à la BD et aussi à, on va dire, à la Lorraine, donc à notre région. D'accord ? D'où te vient cette idée d'allier la BD et cette histoire que tu racontes dans les différents livres, y compris dans le dernier, Vive la République, que j'ai eu le grand bonheur de lire ? Oh, c'est tout simple. Bon, déjà, je suis Lorrain, comme oui. Tu le disais, donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît un petit peu. Oui. Donc oui, je suis pure souche vosgienne, je suis né à Épinal, j'ai tout fait à Épinal. Donc okay. Épinal, chef-lieu des Vosges. Donc je suis né à Épinal. Je m'appelle Bertrand. Alors ça, quand je fais les conférences, les interviews, je le raconte souvent. Bah, tout simplement parce que à côté de la maternité, il y avait la plus grosse industrie des Vosges, les teinturiers Bertrand. Et ma maman, en passant devant la maternité, juste à côté, elle ne savait pas comment m'appeler. Donc c'est pour ça que je m'appelle Bertrand. Ça aurait été les teinturiers du bonnet, ça aurait été un peu... Mais là, je remercie infiniment les teinturiers Bertrand et tous les descendants. Et un jour, ils m'ont fait un très beau cadeau. C'est comme ça que je m'appelle Bertrand. Okay. Et dès qu'après, donc j'ai fait mes études à Épinal. D'accord. Même si j'habite pas Épinal, j'habite à côté. Hein. Et puis après, je suis rentré comme journaliste parce qu'à l'âge de 5 ans, je savais lire et écrire. C'est comme ça. D'accord. Je voulais être journaliste. Je suis devenu journaliste. Et j'ai fait mes premières armes de journaliste au quotidien vosgien, qui est La Liberté de l'Est. On s'aide de Vosges Matin, et puis après... Ok. Voilà, donc à l'époque... Et puis j'ai fait mon armée aussi à Épinal. Ah d'accord, t'es pas parti. Ah non. Parce non, qu'à non. L'époque, on partait loin faire l'armée, ouais, tu vois. C'est-à-dire que ce qu'on appelait, entre parenthèses, les pistonnés, les fils à papa, pouvaient être prêts, mais en fin de compte, ils partaient quand même loin. Ils partaient tous en Allemagne, hein. Et moi, bon... T'as eu la chance de rester sur place. Ouais, mais vraiment pour le pur des hasards. Ouais. Le pur des hasards, parce que j'ai rencontré un adjudant, et puis que son père avait été tué après-guerre, juste à côté de chez moi. Donc il m'a dit, viens, je vais te faire rentrer. Donc j'avais à choisir entre deux casernes à Épinal. Et puis, comme mon grand-père avait fait l'armée, enfin, la guerre de 14-18 oui. dans ce régiment, je voulais aller là, donc je me suis retrouvé à Épinal. Super. Et puis, en même temps, on a fait les classes, on a fait avec Didier Gustin, l'imitateur, donc Didier okay. Gustin. Et puis, quand je suis sorti de l'armée, est arrivé un petit jeune, parce qu'il s'appelait Jean Dujardin. Donc, Jean Dujardin fait l'armée à Épinal. C'est comme ça que je le sais, parce que moi, j'étais secrétaire du commandant, donc j'avais tous les registres, et puis voilà. Donc, j'ai tout fait à Épinal. D'accord. Donc, j'ai toujours eu cette arme. Okay. Même après, si j'ai émigré un peu... Je travaille pour aujourd'hui journaliste pour des magazines à Paris, etc. Et puis donc j'avais la passion donc d'écrire parce que je savais écrire tout jeune et j'avais aussi cette passion de BD. Donc outre parce que j'ai écrit à peu près 25 livres, oui. un peu dans tous les registres. Et puis de BD, j'étais fan de Tintin. D'accord. Depuis tout gosse, comme à l'âge de 5 ans, je le répète tout le temps. C'est comme ça, parce que j'ai appris à lire et à écrire avec la méthode gestuelle. J'avais ce qu'on appelait une maîtresse, qui était adorable et qui m'a tout fait apprendre comme ça. Et j'ai eu deux hospitalisations. Une pour les végétations et l'autre pour l'appendicite. C'était à l'époque, mal de gorge, amygdale. Ah oui, on opérait tout de suite. On opérait le ventre. C'était comment l'appendicite. Et puis là, donc, on amenait quoi ? Eh bien, on m'amenait des Tintins. Et c'est comme ça que c'est tu comme as ça découvert. Que j'ai découvert les BD et j'étais fan. Mais Tintin, je suis vraiment ce qu'on appelle un fou tintinophile. Hein. Donc voilà. Et puis un jour, j'ai dit, tiens, si je fais quelque chose, je ferai des BD à peu près dans le système de Tintin. Ok. Alors, donc après, parce que donc un beau jour, un de mes éditeurs, Christian Ril, qui est une grosse maison d'édition, les éditions du Cygne, près de Strasbourg, okay. qui édite au niveau mondial, ouais. ont une collection. Ils ont plusieurs catégories de beaux livres. Ouais. C'est comme ça que j'avais fait le livre sur Nancy, l'Excelsior. Oui. Et puis, il me dit, tiens, fais-moi une BD sur ton département. Après, moi, je n'avais jamais fait de BD. Parce qu'il faut savoir que on peut être un très, très bon journaliste, un très, très bon écrivain, et nul en scénario. Parce que écrire un scénario de BD... Ça n'a rien à voir. Non, l'écriture est complètement différente. Okay. Oui, c'est... C'est une autre gymnastique d'écriture et puis de réflexion, parce que la BD, ça reste, c'est ludique. Mes BD sont ludiques et oui. didactiques parce qu'elles sont pédagogiques, oui. mais c'est complètement différent d'un texte de journaliste lambda. D'accord, donc, voilà. C'est vraiment un exercice ah, qui oui, n'a rien oui, à voir. On peut être, donc là, il faut vraiment, et puis il y a un canevas bien sûr à respecter. Et puis après, ben, parce que c'est tout un travail d'équipe, dans une BD, la première que j'ai faite, donc Les Vosges, quand on m'a demandé Les Vosges, une terre d'histoire, qui aujourd'hui, sans aucune flagornerie de ma part, est devenue le best-seller, puisque jamais dans l'histoire des Vosges, un livre qui a été autant vendu sur Les Vosges. Donc c'est venu, bon, ça fait 2 ans et demi, c'est comme ouais. ça, c'est bien. Parce que c'est génial, c'est vraiment très bien. Et puis donc, il faut être aussi en adéquation avec des dessinateurs, puisque les dessinateurs interviennent aussi. Donc, mm-hmm. dans la BD, dans l'esprit des gens, c'est plus le dessin que le texte. Que le texte. Voilà. Puis après, il y a les couleurs. Donc, la coloriste ou coloriste. C'est vraiment un canevas. C'est un triptyque, quelque part. Ah oui, c'est vraiment... C'est vraiment... Donc, il faut être vraiment en adéquation. Il faut ce qu'on appelle populairement que la mayonnaise, elle prenne avec tout le monde. Mais okay. à la base, c'est le scénariste. C'est moi qui... C'est toi. Ce qui décide de tout. Et puis, comme c'est des BD ludiques, donc pédagogiques, historiques, il faut que ça tienne la route. Bien sûr. Même si, ça c'est mon ADN, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes dans mes BD. Oui. Donc, à la suite de ce dévot, j'ai fait Nancy, capitale des Ducs de Lorraine, toujours aux éditions du Cygne. Et puis là, la dernière, Vive la République, la France et ses présidents, oui. donc, qui est sortie là au niveau national. Et qui, pareil, qui cartonne entre parenthèses, parce que ça n'a jamais existé. Et ça cartonne pour... Enfin, on va en parler, mais moi, je comprends pourquoi ça cartonne. Parce que, bon, déjà, dans ce style, et c'est parce que ça a été corrigé et vu par l'Élysée, mm-hmm. hein, tous les présidents, enfin, il n'y en a plus beaucoup, oui. hein, les trois les ont eus, donc c'est le président Macron, le président Sarkozy et le président Hollande l'ont eu. Et puis là, donc, le président Macron, on dit, bon, comment ça se fait de faire une telle BD dans ce style, bah parce que ce soit à la portée de tout le monde, de toutes et de tous, de tout le monde. Donc Hergé disait de 7 à 77 ans, moi j'ai dit de 5 à 99 oui. ans. Donc il faut que ça reste toujours dans l'esprit, que ça reste une BD. Donc là, dans celle-ci, il y a ce qui est extrêmement rare, il y a 60 planches, parce qu'en BD, les planches correspondent à des pages, et il y a eu 25 présidents, 25... Il y a 2 pages par président, oui. 10 qui présentent l'Élysée et puis les républiques. Oui. Et puis après, 2 pages par président pour que tout le monde ait Alors, au même niveau. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de trucs dans cette BD. C'est le but. Hein. Et parce qu'il y a des choses, quand on est adulte, on se dit « Ah ouais, si, ça, je sais. » Alors, par exemple, les noms des présidents, il y a quand même des noms qu'on a. Mais là, j'ai quand même appris plein de choses, non pas que sur le rôle des présidents, mais aussi sur ce qui se passe en coulisses à l'Élysée. Ça, c'est génial. Oui. Il faut savoir déjà, les générations actuelles, que ce soit toi ou moi, ils arrêtent, on va dire, à Jacques Chirac, François Mitterrand, alors quand on leur parle de Pompidou, de Gaulle, un tout petit peu, oui, mais... et puis les plus anciens, René Coty. Pourquoi René Coty? Parce que c'est un président qui passait bien. Mais si on parle d'Émile Loubet, oui. Gaston Doumergue... Et il y a des noms qu'on ne connaît pas. Ah non, c'est la bouteille. Qu'on découvre. Alors... Parce que ça aussi, ils n'étaient pas médiatisés comme aujourd'hui à outrance. Et puis, ils avaient un rôle secondaire. Hein. C'est seulement à partir de la 5e République de 58 et du général de Gaulle que le président a vraiment une fonction présidentielle. Ouais. Avant, ils avaient une représentation. C'était plutôt représentatif. Mm-hmm. C'était le premier ministre de l'époque, ce qu'on appelait le président du Conseil, qui avait les pouvoirs. Donc, Et les autres, okay. ça passait, ils étaient là des fois pour 4 ans, pour 5 ans, on les éjectait au bout de 2 ans, et puis ils avaient des vies assez sulfureuses. C'est ce que je raconte, c'est pour ça que c'est bourré d'anecdotes. Oui, c'est vraiment très bien. Alors, ça vient à ma deuxième question. Au tout début de cette BD, j'aime beaucoup, c'est un espèce d'adage que moi, je n'avais jamais vu sur les BD, apprendre, connaître et transmettre. Alors ça, c'était ma deuxième question, Bertrand. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur ? Donc, je crois que la réponse est oui, dans la façon dont tu expliques. Et surtout, je trouve ça très beau, parce que quel que soit l'âge qu'on a quand on ouvre cette BD et qu'on découvre ce que tu y proposes, pourquoi cet adage ? Ah ben, c'était dans toutes mes BD, quand je commence. Ouais, c'est ça ? C'est ça, oui, oui. C'est, okay. Bah, apprendre, oui. Puis là, bon, là... La transmission, c'est important, c'est oui. n'importe quel métier. Hein. Celui qui est boucher, celui qui est pâtissier, bah, il transmet normalement. C'est ce qu'on appelle, voilà, donc à la base de transmettre son métier. C'est ton pilier quand tu écris une BD. Voilà. C'était trois piliers fondateurs, voilà, on va dire. C'est ça. Moi, apprendre, connaître et transmettre. C'est pour que les de tout âge, que je disais tout à l'heure, ouais. que ça commence très jeune. Moi, je dis bon 5-99 ans parce que j'ai appris à l'âge de 5 ans. Et puis là, et je le vois lors dans les conférences que je fais, bon, il y a beaucoup de collégiens, et il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont intéressés. Et sous la forme en plus BD, ça, oui. on retient beaucoup plus que d'un livre traditionnel. J'aurais fait un livre traditionnel politique avec... Il n'aurait pas du tout le même succès. Pas du tout. Pas du tout. Toutes les BD que je oui. fais, les gens, ils sont attachés, c'est pour ça. Complètement. Ouais. Le petit Jojo. Jolo. Jolo, pardon. J-O-L-O. Excuse-moi. Alors lui, il nous emmène du début à la fin. Il ouais, nous fait visiter l'Élysée, ouais. il nous fait connaître tous les présidents. C'est un personnage que j'ai créé, qui est une marque déposée de moi. Parce que quand on écrit une BD, il faut ouais. un fil conducteur. Donc c'est un personnage que j'ai créé. Ben, il a existé hein, en tant qu'tel. C'est l'un des pionniers de la photographie couleur. Ok. Qui s'appelait Léon Didier. Parce que moi, je suis originaire de Certigny, qui est okay. mort à Certigny pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et qui a complètement été oublié, qui a été exploité, tout ça. Donc après, j'ai toujours dit, cette personne, je vais le mettre à l'honneur. Donc je l'ai mis sous les traits d'un jeune homme adolescent de 14 ans, qui a toujours le même visage tout au long. D'accord. Hein, que ce soit si je commence à la période gauloise, préhistoire, mais ses habits changent en fonction oui. des siècles et des décennies. Et puis c'est lui qui est le fil qui traverse et qui est le fil conducteur, qui est l'un des narrateurs, puisque dans toutes les BD, que ce soit sans faire de publicité, Tintin, Michel Bayon, Benoît Prisefer, Ricochet, il y a toujours un personnage. Et lui, on le retrouve dans toutes mes BD. Lui, j'imaginais que c'était un peu toi. Ah oui, oui. Tu vois, la façon dont il a de parler, oui, tout ça, il y en a beaucoup qui me le disent. Non, voilà. C'est cette personne qui est complètement oubliée. Puis un jour, j'ai dit, tiens, je veux le remettre à l'honneur à travers... C'est chouette, ouais. Ouais, je le trouve très chouette, j'aime bien, il fait vraiment passeur de temps quelque part. Voilà, c'est pour ça qu'il transmet, il est là, donc ma prochaine BD, et pareil, là j'en ai plusieurs, donc une qui va sortir prochainement, okay. donc il est toujours là, c'est le personnage. Vraiment, c'est et vraiment maintenant chouette. Les gens savent que connaissent le petit Jolo. Ouais. On va faire une petite coupure musicale tout de suite avec les Doobie Brothers. Down along the tracks, Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur Caprice de lecture avec Bertrand Munier qui nous fait voyager à travers le temps et les temps de la République. Bertrand, j'avais une autre question pour toi. Tu mets en avant dans cette BD des femmes qui ont un rôle, on va les appeler les femmes de l'ombre. Il y a une femme qui est chef cuisinière, une femme qui est sommelière, pardon, et il y a bien d'autres femmes qui agissent dans l'ombre. Alors déjà, merci, parce que quand on parle de la République, souvent on parle beaucoup des hommes. Est-ce que toi, tu as pu rencontrer ces femmes-là? Et surtout, pourquoi tu... Enfin, on met un visage sur des fonctions qui ne sont pas forcément des fonctions, on va dire, primaires dans le paysage politique qu'on connaît. Alors donc, oui, je les ai rencontrées. Bon, une des premières, parce qu'il y a Christelle Bruat, qui est la première femme pâtissière. Oui. Mais il faut savoir qu'il y en a très peu. Il y a eu très peu de femmes, parce que l'Élysée, c'est... C'est militaire à la base. Hein. Okay. C'est vraiment donc en cuisine, il n'y avait aucune femme. D'accord. Aujourd'hui, donc la pâtissière, la seconde que je connais aussi très bien. Donc voilà, donc les maîtres d'honneur, mais ça ne date pas d'un âge. Oui, c'est récent. C'est très très récent. C'est très récent. Elle qui est de Moselle, donc il y est depuis 2-3 ans. Oui, c'est ça. Et puis Virginie Routis, qui est donc la sommelière, elle y est. De quoi, une dizaine d'années, c'est très, très, très récent. Parce que ces militaires, il n'y avait aucune femme ne travaillait. Après, il y a des femmes, il y a des lingères, etc. Parce que l'Élysée, c'est une vraie ruche humaine, mais quand même de 800 personnes hein, qui travaillent, oui. Dont 300 militaires. Et je trouve ça super que... Parce qu'à la limite, cette BD aurait pu... Je parle bien au conditionnel. Tu vois, tu aurais pu juste dire, bon ben voilà, vive la République. Il y a une succession de présidents, bien sûr, avec des histoires, les histoires des murs, de la construction de l'Élysée. Et je trouve ça vraiment chouette que tu aies pu aussi donner tu aies pu mettre en valeur et mettre en avant ces métiers qui sont, pour nous, grand public, méconnus dans ce monde-là. Bah, c'est méconnu parce que on n'y accède pas. Voilà. Et puis méconnu. C'est interdit. Même si l'Élysée a été faite pour une femme, hein, pour la marquise de Pompadour. Oui, hein. Oui. Donc voilà. Donc, parce que l'Élysée, à la base, a eu beaucoup de choses avant d'être vraiment résidence de chef d'État. Mais ces femmes-là qui travaillent dans l'ombre, donc, même tous ces fleuristes, en plus, qui sont en sous-sol, tout est pratiquement en sous-sol. Hein. Oui. Hein, donc là, c'est très difficile de les voir, sauf encore les journées du patrimoine. Mais autrement, c'est interdit. Ouais. C'est vraiment... Bon, donc, on ne rentre pas comme ça dans l'Élysée. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce clin d'œil, de l'ombre. C'est pour ça aussi que j'explique comment fonctionne l'Élysée, parce qu'on n'a qu'une image comme ça un peu surannée, et puis une image donc de médias qui disent bon il y a ceci, il y a cela, il y a un bunker qu'on parle très peu, un bunker présidentiel, il y a une salle de cinéma, salle de sport. C'est vraiment... Moi j'ai rien dévoilé. Donc on apprend vraiment ce que c'est que l'Élysée, parce qu'on ne voit que les grandes salles de fêtes, salles de réception. Il y a beaucoup de salons hein, aussi. On n'en voit que ce que on va dire les médias publics veulent bien nous en montrer. Voilà exactement. Ce qu'on voit lors des réceptions officielles. Donc c'est vraiment des vœux du président. C'est une très très belle découverte. Et quand on peut y accéder, visiter, c'est vraiment le haut lieu de la France. Ouais. Alors je sais que tu as pu présenter, ou certains lycéens, collégiens, enfin, voilà, ce type de public a pu lire ta BD, l'a apprécié, je le sais. Quel plus beau compliment on a pu te faire sur cette BD ou sur une autre que tu aurais pu écrire sur l'Excelsior ou Nancy, par exemple, tu vois. Quel plus beau compliment tu as pu entendre? Les compliments... On entend plein. Oui, j'en entends plein. Bon, après, il n'y a pas toujours le 100%. Il y a toujours une ou deux personnes qui savent mieux, mais ça, c'est courant. Oui. Voilà. Mais autrement, non. C'est la vente. Les plus beaux compliments, c'est au niveau de la vente. Ouais. Quand on voit les chiffres de vente, on se dit, tiens, c'est que ça fonctionne, c'est que la BD... C'est que ça plaît. C'est que ça plaît. Et puis, bien sûr, les retours. Mais c'est surtout au niveau des ventes. Je donne un exemple dernièrement. D'une personne qui n'est pas du tout BD, d'une cinquantaine, soixantaine d'années, et puis qu'on lui fait cadeau de la BD. Il dit, moi, je ne suis pas BD, président, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et puis là, il la lit dans sa voiture, en attendant son épouse, qui était en commission. Et puis là, il est reparti dans la librairie. Il en a acheté 10 d'un coup. Ah, c'est génial. Il a dit, c'est intéressant, voilà. C'est un bijou. Voilà, enfin, donc moi, ça, je le dis, hein, celle-là, c'est un bijou. Donc vive la République, elle est extraordinaire. C'est gentil, ouais. Ouais, vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il soit... Et surtout, quand je sors un événement comme ça, c'est surtout en corrélation, en adéquation avec un événement. Bah, l'événement, il y a une vitrine médiatique extraordinaire, c'est l'élection présidentielle. Oui. C'est, donc là, on est en plein dedans. Oui. Et puis après, c'est une BD qui est intemporelle. Toutes les BD que j'écris sont intemporelles. Ce n'est pas figé avec le mot fin. Oui. Donc demain, si c'est le même président, bah c'est, moi, en étant neutre, c'est très bien, on ne rajoute pas de page, mais demain, si... Fatalement, il y a un autre président ou une présidente, oui. N'importe, et il y en aura. Bien dans, sûr. Dans le temps, on rajoute deux pages. Oui. Donc, c'est déjà possible. Et elle est vraiment. C'est dans les cartons, on rajoutera soit au mois de juin ou soit dans 5 ans, on rajoute deux pages. Voilà. Donc, ce sera toujours intemporel, oui. Puisqu'il n'y a pas le mot fin. Donc, c'est pas. Ouais, c'est une continuité. Ça n'a jamais existé, il fallait le faire. Donc, après, c'est une suite. Merci Bertrand. On va continuer tout de suite avec. Feeling Good de Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur Caprice de lecture avec Bertrand Munier, qui nous fait le plaisir de venir nous faire découvrir l'histoire française et l'histoire de nos présidents. Bertrand, j'avais une dernière question pour toi. Une prochaine BD est-elle en cours d'écriture ? Elle y est, oui, elle est même en réalisation, en montage, tout. Oui. Ok, ouais. Et on peut avoir un petit peu le thème ou Ah ben le thème, alors je vais te dire, donc j'en ai trois en fin de compte. D'accord. Qui est dans les Vosges, qui est en train de se faire. Ok. Une autre au niveau national, qui va, voilà, et puis une autre au niveau international. Ah ouais. Ah ouais. Donc, mais c'est des demandes, hein, c'est des, c'est, on vient me voir, on me demande, donc la prochaine, je peux dire où c'est la quatrième ville des Vosges, Thaon-les-Vosges. D'accord. Qui m'ont sollicité et qui m'ont demandé de faire le, donc c'est une très grosse ville qui est dynamique, historique. Ok. Hein, puisque c'est là qu'il y a eu la plus grosse, l'une des plus grosses industries de la région. Il y avait 4000 salariés et puis aussi où il y avait une femme célèbre, c'était la femme à barbe qui était connue dans. Et c'est vrai. Qui est Clémentine oui. Delay, qui était connue dans le monde entier. Il y a eu un livre sur elle, enfin même plusieurs. Oui, il y a même un documentaire qui a été fait. Donc tu vas parler d'elle dans la BD. Oui. Et puis c'est une ville qui est vraiment dynamique, et c'est le nouveau maire, qui a sollicité pour que tous les habitants, les écoliers, les lycéens, tout ce qu'on veut, eh bien, connaissent leur ville, qui était une ville vraiment très, très historique. D'accord. Qui était basée, bien sûr, avec cette fameuse BTT, cette plus grosse industrie, une des plus grosses de France, et puis aussi, ben, qui avait cette fameuse femme à barbe, et puis aussi, il y avait des religieuses qu'on appelait les Bernadettes, qui avaient une méthode, la méthode Bernadette, qui était utilisée dans le monde entier. C'était une méthode pour apprendre le catéchisme en noir et blanc, avec des dessins en pochoir. D'accord. Qui est encore utilisée aux États-Unis. Et ça aussi, tu vas en parler Ah ben oui, donc il y a de quoi faire. Ah, c'est génial. Donc il va sortir début novembre, avec mes mêmes dessinateurs belges. D'accord. Qui sont Didier Chardez et Francis Carin, qui travaillent notamment pour les magazines de Spirou et Tintin. Mm-hmm. Et puis avec ma coloriste, qui est de Marseille, enfin du sud, vers Marseille, Zosa Zulianska. Et toujours aux éditions du Cygne. Tu viendras nous en reparler. Ah, oui, avec grand plaisir. Ouais, ça sera chouette. Ça sera chouette. Bertrand, est-ce que tu aurais pour terminer cette émission, est-ce que tu aurais une lecture à nous conseiller que tu aurais aimé toi, un petit coup de cœur est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais lu dernièrement qui te plairait? Alors je vais. Vive la République de Bertrand Munier. Voilà, c'est ça. Non, je lisez-la. Non, mais comme je suis. Assez féru de BD et puis de et quelque chose qui est ressorti parce que c'est tellement en France, c'est Pif Gadget. Pif Gadget. Ouais. Ouais, j'ai connu, mais j'étais toute petite. Donc c'est toute une génération. Et là, ils ont ressorti certains Pif Gadget. Et puis là, donc ça m'a fait replonger des années super. En arrière. Parce que bon, je lis un peu, une culture, j'aime bien connaître un peu tout. Mm-hmm. Mais je vais pas dire. Mais honnête, je suis pas plongé dans les grandes écritures et puis les grandes lectures. J'ai eu ça assez au lycée, de lire du Molière, de lire des Verlaine, des Rimbaud, tout ça. Ça, c'est des lectures obligées, c'est pas des lectures plaisir. C'est vrai. Et comme, c'est vrai. Et quand j'étais pareil, j'avais le caté, il y avait tout, et puis il y avait Sylvain et Sylvette. Et ça aussi, j'y tiens parce que. Sylvain et Sylvette, celui qui a repris Claude Dubois et qui n'est pas mis à l'honneur, et il est du coin. Il a plus de 80 ans, il habite à Rouvre-l'Inancy. Et Sylvain et Sylvette, c'était quelque chose dans France qui était assez couru. Okay. Mais c'est vrai, ce retour de Pif Gadget, ça m'a fait très plaisir. Eh bien, écoute, j'irai voir moi aussi. Ça me replongera aussi dans mon enfance. Bertrand, encore merci tout plein d'avoir bien voulu accepter de faire cette émission. C'est moi, Sarah, c'est très gentil. J'ai adoré la BD. Moi, je conseille à tout le monde d'aller la lire parce qu'en plus, j'en conseille pas souvent. Donc là, c'était vraiment génial. Oui, elle en vend partout. Une superbe découverte. Vive la République de Bertrand Munier. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Caprices de lecture. Au revoir.